الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وخالق السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وإمام النبيين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et certes, la fin heureuse est destinée aux croyants. Et il n'y aura de reproche que pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Dieu des premiers et des derniers, et le Créateur des cieux et des terres. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, l'imam des prophètes et le plus noble des messagers. Il a transmis le message qu'il lui fut confié, et il fut loyal envers ses engagements, et il conseilla de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuha al-Muslimoun, continuons ainsi nos propos et nos discours, en parcourant et en transversant les étapes vers la demeure dernière. Et ceci est notre 38e rencontre, parmi les rencontres de cette noble série. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours les situations que vivront les serviteurs avant d'être jugés par Allah Jalla wa Ala, comme la déchirure du ciel et la descente des nobles anges Malaikatul Kiram, ainsi que l'arrivée du roi Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Nous avions expliqué par la grâce d'Allah et sa faveur les règles de base qu'appliquera Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de juger entre ses serviteurs. Et nous avions également affirmé et déclaré que la première communauté qui sera jugée lors du jugement Al-Hisab sera la communauté d'Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous sommes la dernière des communautés, mais la première communauté à être jugée. Et on dira ainsi, où est la communauté et son prophète en alphabet al-ummi? Nous serons ainsi les premiers et les derniers. Puis après cela, le jugement Al-Hisab commencera, ayyuha al-ikhwa. Et par quoi commencera-t-il? Il commencera par le fait de donner aux gens le livre de leurs actions. Car la prise des livres où ont été enregistrées les actions des serviteurs est une situation véridique et véritable, qui a été évoqué dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunnah du messager d'Allah alayhi salat wa salam. Et c'est un sujet sur lequel sont unanimes les savants d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Le jugement commencera ainsi par le fait que les gens recevront le livre de leurs actions. Et le fait de donner le livre des actions se passera juste avant le début du jugement Al-Hisab. Et la preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra le livre de sa main droite, il sera soumis à un jugement facile. Et le mot sawfa, il est connu que le mot sawfa désigne le futur et le mustaqbal. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ. Quant à celui qui recevra le livre de sa main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera soumis à un jugement facile. Et ceci a été cité par l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dans son livre al-Tadhkira. Celui-ci qui nous dit rahmatullahi alayhi que lorsque les gens seront ressuscités, ils seront ressuscités sans se rappeler de leurs actions. Sans se rappeler des actions qu'ils auront accomplies dans ce bas monde ad-dunya. Et la preuve en est le verset d'Allah Azza wa Jal. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah les a dénombrés et eux ils ont oublié. Et Allah est témoin de toutes choses. Ainsi, ayo al-ikhwatul kiram, est venu le moment où on donnera à toute personne et à tout serviteur le livre des actions qu'ils ont accomplies dans ce bas monde ad-dunya. Allah jalla wa ala nous dit وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et au cou de chaque homme, nous lui attacherons son œuvre. Et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il verra alors dérouler. Qu'il verra alors dérouler. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Et au cou de chaque homme, nous attacherons et nous lui attacherons son œuvre. Car l'œuvre de l'homme, ayo al-ikhwa, soit elle sera pour lui un bon présage, soit elle sera pour lui un mauvais présage le jour de la résurrection, et ainsi soit il volera avec lui et il montera, soit il volera avec lui et il descendra. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Et chaque homme, et au cou de chaque homme, nous lui attacherons son œuvre. Et ceci, ayo al-ikhwa, est la façon la plus forte, et la façon la plus puissante d'attacher quelque chose à un homme, de lui attacher cela à son cou, afin qu'il ne puisse s'en détacher, et afin qu'il ne puisse s'en séparer, et qu'il soit toujours accompagné de ses œuvres. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Et au cou de chaque homme, nous lui attacherons son œuvre. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et le jour de la résurrection, nous lui sortirons ainsi un livre, son écrit, qu'il trouvera alors déroulé, c'est-à-dire qu'il trouvera ouvert devant lui, et ainsi il n'aura aucune difficulté, et ainsi il n'aura aucune fatigue, et il n'éprouvera aucune fatigue à lire son livre et à regarder son livre, qu'il sera ouvert et exposé devant lui. Naam. Comment les gens alors recevront alors leur livre? Comment les gens récupéreront le livre de leurs actions? Comment les gens récupéreront leur livre et recevront leur livre? Ayyuhal ikhwatul kiram, écoutez ce qu'Allah nous dit. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui aura reçu le livre de sa main droite, il sera jugé et il sera soumis à un jugement facile. Ainsi, soit tu seras parmi ceux qui recevra son livre de sa main droite, soit tu seras celui qui recevra son livre de sa main gauche derrière son dos. Ainsi, soit il y aura un preneur de la main droite, ou soit il y aura un preneur de la main gauche derrière son dos. Écoute ce qu'Allah Jalla wa Ala te dit. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, il sera certes soumis à un jugement facile. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il retournera auprès des siens réjouis. Il retournera réjoui auprès de sa famille. Il retournera réjoui auprès de sa famille, c'est-à-dire dans le paradis, il sera content. Il sera satisfait de ses œuvres. Et il sera content de son jugement. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Tel est celui qui aura reçu son livre de sa main droite. Tel est l'unificateur al-muwahid. Tel est le véridique al-sadiq. Tel est le croyant al-mu'min. Qu'Allah fasse et qu'Allah nous place parmi eux. Il recevra son livre de sa main droite. Celui-ci ainsi aura un jugement facile. Celui-ci ainsi sera soumis à un jugement facile. Et ainsi, on ne le jugera pas en détail. Mais ses péchés lui seront tous exposés. Puis Allah Jalla wa Ala lui pardonnera. Ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit il n'y a pas une personne étant jugée le jour de la résurrection sans qu'elle ne périsse. Et alors Aïcha radiallahu anha lui demanda, Ya Rasulallah, Allah n'a-t-il pas dit, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui recevra le livre de sa main droite, il sera soumis à un jugement facile. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceci sera lors de sa rencontre. Mais il n'y aura pas une personne étant jugée le jour de la résurrection sans qu'elle ne périsse. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah nous explique, la parole d'Al-Habib étant jugée, et il nous dit, signifie que cette personne sera jugée en détail. Et on lui demandera des comptes sur toutes ses actions, et sur tous ses péchés, et sur tout ce qu'il aura accompli dans ce bas monde ad-dunya. Et ainsi, il sera en train de répliquer, et de demander et de répondre avec Allah Jalla wa Ala. Naam, ainsi lorsqu'il sera jugé, il souffrira, et il périra, et les péchés du croyant lui seront tous exposés, et ainsi il recevra son livre de la main droite. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui recevra son livre de la main gauche, et dans un autre verset, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, et il n'y a pas de contradiction dans les versets d'Allah Azza wa Jal, car celui qui prendra son livre de sa main gauche, le prendra derrière son dos. Il prendra son livre de sa main gauche derrière son dos. Ainsi, écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit en ce qui concerne cette personne. Et cela nous prouve, ayyuha al-ikhwatul kiram, la perfection de la droiture et de la justice et de la sagesse d'Allah Jalla wa Ala. Il prendra son livre derrière son dos, comme il a pris derrière son dos le livre d'Allah. Et comme il a tourné le dos au livre d'Allah. Et comme il s'est détourné du livre d'Allah Azza wa Jal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. La récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Comme il a tourné le dos au livre d'Allah dans Dunya, on lui donnera son livre derrière son dos. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا. Il invoquera alors la destruction pour lui-même. Il demandera alors qu'il soit détruit. فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Et il brûlera dans un feu ardent. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il était content dans sa famille et il était réjoui auprès des siens dans ce bas monde ad-dunya. Il n'avait aucun problème avec sa famille et il était réjoui car il ne pensait pas aux finalités, car il ne pensait pas à sa responsabilité, car il ne pensait pas au jour où il sera jugé. Naam, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur. Et il pensait qu'il ne serait pas ressuscité. Il pensait qu'Allah Jalla wa Ala ne le ressuscitera pas. Il pensait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne le jugerait pas. Il pensait qu'Allah Jalla wa Ala ne le ferait pas revenir à la vie. Innahu dhanna an la yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Mais si son Seigneur l'observait parfaitement. Mais si son Seigneur était attentif à ce qu'il faisait. Mais si son Seigneur le jugeait et le regardait parfaitement. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Il recevra alors son livre de la main gauche. Il recevra alors son livre derrière son dos. Puis lorsque les gens recevront leur livre, ayyuha al-muslimoun, lorsque les gens recevront leur livre et regarderont alors leur livre de leurs actions et toutes les actions qui auront été enregistrées, on leur dira alors, et on s'adressera à chacun d'entre eux, et on leur dira, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton écrit, lis ton livre. Tu te suffis ce jour-là d'être ton propre juge. Naam, certains prédécesseurs, rahmatullahi alayhim, nous disent, celui qui a laissé la personne se juger elle-même, s'est montré envers elle de la façon la plus droite et la plus juste. De te laisser toi-même te juger. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est pas injuste, n'est injuste envers aucune personne. اقرأ كتابك. Lis ton écrit, lis ton livre. Et alors tu liras ton livre, ya Abdallah, afin que tu le lises et tu ouvriras ton livre. Ce livre qui a enregistré toutes ses actions, tu liras ton livre avec grande facilité, tu ouvriras ton livre, afin que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, et afin que tu lises ce qu'il y a à l'intérieur, avec une langue parlante, et avec un cœur concentré. C'est alors que tu remarques alors, et que tu réalises, et que tu t'aperçois, que ce livre n'a rien oublié, que ce livre n'a rien omis de mentionner, ni péché vénit, ni péché capital, ni petite action, ni grande action. Ce livre n'a rien oublié de mentionner, tous les péchés aussi petits soient-ils. Ce livre n'a rien oublié. Combien de péchés auras-tu caché dans ce bas monde? Allah te les montrera. Combien de désobéissances auras-tu dissimulé? Allah te les dévoilera. Tu liras ton livre alors. Si tu étais parmi les croyants, al-mu'minin, et si tu étais parmi les véridiques, as-sadiqin, et que tu as pris ton livre avec ta main droite, tu liras alors ton livre. Et tu diras alors, et tu te précipiteras alors dans la terre du rassemblement Ardul Mahshar, alors que tes membres de ton corps et alors que ton cœur ont compris, ont réalisé et ont été satisfaits, tu iras dans la terre du rassemblement et tu appelleras alors et tu t'écriras alors et tu diras alors Ha umqra'u kitabiya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Et ici, le mot « dhan » signifie la certitude et la conviction. Car dans le livre d'Allah, le mot « dhan » peut signifier le doute et peut signifier la conviction. « Inni dhanantu anni mulaqil hisabiya. » J'étais sûr d'y trouver mon compte. J'avais la conviction que je trouverais mon compte le jour de la résurrection. J'avais la conviction que je serais ressuscité après la mort. Et j'avais la conviction que je serais jugé en fonction des actions que j'accomplirais dans ce bas monde. « Inni dhanantu anni mulaqil hisabiya. » فهو في عيشة راضية. Il jouira alors d'une vie agréable. في جنات عالية. Dans un paradis haut placé. Dans un jardin haut placé. قطوفها دانية. Dont les fruits seront apportés demain. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé les jours passés. Tu iras alors au lieu de le rassemblement dans la terre du rassemblement Ardul Mahshar. Ayant alors reçu la faveur d'Allah Azza wa Jal et la grâce d'Allah Jalla wa Ala, les gens t'environ alors. Les gens te jalouseront alors. Mais si tu es parmi les gens de la gauche, si tu es parmi Ashab ou Shimel, et que tu reçois ton livre de la main gauche derrière ton dos, tu iras alors dans la terre du rassemblement Ardul Mahshar, en pleurant, et en criant, et en étant désespéré, et tu diras alors Ya laytani lam outa kitabia, Ya laytani lam outa kitabia, wa ma adri ma hisabia. Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Et de ne pas avoir connu mon compte. Ya laytaha kanatil qadiya. Si seulement ma première mort était définitive. Ya laytaha kanatil qadiya. Ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Ma fortune ne m'a servi à rien. Et mon autorité et ma puissance est partie et m'a quitté. Où est l'argent? Où sont les royaumes? Où sont les richesses que tu as amassées? Où est ta puissance? Où est ton rang? Où est ta réputation? Où est ton pouvoir qui est éphémère? Où sont les trônes qui ont été voués à la disparition? Tout est parti, tout a été anéanti, tout est disparu, et ne sont restés que les bonnes et les mauvaises actions. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, imagine-toi le jour de la rencontre dénudé, seul, ennuyé et étonné, et le feu embrasé de rage envers les pécheurs et les désobéissants, et les seigneurs du trône énervés. Lis ton livre, ya Abdallah, avec lenteur. Vois-tu une lettre qui ne devait pas être placée? Lorsque tu le lis, en ne niant pas ce que tu lis, et en approuvant ce qui connaît les choses avec confirmité, le majestueux dira alors, « Ya malaikati, ô mes anges, emmenez ce serviteur à un feu assoiffé, les polythéistes demain brûleront, tandis que les croyants dans leur demeure éternelle seront logés. » Naam, tu ouvriras ton livre, tu regarderas ton livre alors, et tu le liras. Les gens regarderont alors, et les gens réaliseront alors, et les gens constateront alors, que dans ce livre tout a été enregistré sur eux. Tout a été enregistré, tout a été inscrit. Car Allah Jalla wa Ala a placé dans ce bas monde des anges, spécialisés afin d'écrire tout ce que tu disais dans ce bas monde, et afin d'écrire tout ce que tu faisais dans ce bas monde, et afin d'écrire tout ce dont tu avais l'intention de faire dans ce bas monde. Écoutez ce qu'Allah nous dit. Kalla bal tukaddibuna biddin wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Non, malgré tout, vous traitez la résurrection de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens et de nobles scribes, c'est-à-dire des gens qui écrivent, des créatures qui écrivent et qui savent ce que vous faites. Et Allah nous dit également وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme le suggère, et nous sommes plus proches de lui que ne l'est sa veine jugulaire. Lorsque les deux recueillants, assis à la droite et à la gauche, recueillent, l'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Naam, tout ce que dira ta bouche, tout ce que dit ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche, et tout ce que prononce ta langue, elle l'issel, est écrit dans ce livre. C'est un livre qui n'oublie et qui n'omet de mentionner ni péché vénil ni péché capital. Toute action est écrite, grande ou petite. On dit à propos de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala que lorsqu'il était plongé dans les souffrances et les agonies de la mort, il sortait des intonations de souffrance. Il sortait des intonations de sa bouche. Alors lui est venu Taous, rahmatullahi alayh, un des prédécesseurs. Il vint le voir et il lui rappela. Il lui dit, « Ya imam, Sache que les anges écrivent même contre les serviteurs les intonations. Et alors l'imam Ahmed rahimahullah se tue jusqu'à ce qu'il mourut rahimahullah ta'ala. Na'am, même les intentions sont écrites. Car l'intention fait partie des actions du cœur. Et on te demandera et on te questionnera sur les actions du cœur. La mauvaise pensée sur quelqu'un, l'envie, la jalousie, le polythéisme, le doute, l'hypocrisie, tout ce qui fait le cœur, tu devras rendre des comptes le jour de la résurrection. Ainsi, non seulement les actions physiques seront enregistrées, mais également les actions intérieures et les actions du cœur. Si tu as eu l'intention de faire du bien, Allah Jalla wa Ala écrira pour toi cette intention et cette bonne intention. Si tu as fait la cause de faire une bonne action, Allah te l'écrira une bonne action entière. Allah t'écrira une bonne action entière. Mais si tu as eu l'intention de faire l'interdit al-haram, les anges l'écriront également. Les anges l'écriront également. Ils écriront cette intention. Si tu délaisses une action de peur d'Allah Azza wa Jalla, les anges écriront alors cela comme une bonne action. Mais si tu fais les causes de faire une mauvaise action, les anges écriront cette mauvaise action. Même si tu as été empêché de la faire, les anges l'écriront alors. Et ceci a été tiré de la parole du prophète alayhi salatu wasalam concernant El Maktoul, le tué, qui était à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, et il dit, il avait certes l'intention de tuer son meurtrier. Ainsi, si la personne arrête de faire le haram, parce qu'elle n'est pas intéressée par ce haram, et non pour Allah et Azzawajal, on écrira pour celui-ci ni bonne action ni mauvaise action. C'est ce qu'on nous dit nos savants, rahmatullahi alayhim. Et après que tout le monde ait pris son livre, ayyuhal ikhwan, et que tout le monde trouve devant eux ce qu'ils ont œuvré dans ce bas monde à dunya, wa la yadhlimu rabbuka ahada, et ton Seigneur n'est injuste envers personne, à ce moment-là, on commencera à questionner les gens. Et on commencera à interroger les créatures. Et par qui l'on commencera, ayyuhal ikhwan? Par les plus nobles des créatures. Les plus nobles des créatures, ayyuhal ikhwatul kiram, al-anbiya ou al-mursalun. Les prophètes et les messagers seront interrogés et seront questionnés car ce sont les meilleurs des personnes. Et la parole la plus juste est que les prophètes et les messagers seront interrogés comme Allah Jalla wa Ala nous dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Certes, nous interrogerons ceux qui ont été envoyés à eux et certes, nous interrogerons les messagers. Naam, et le questionnement des prophètes et des messagers sont en vérité une réprimande et un reproche et un blâme pour le peuple auquel ils ont été envoyés. Naam, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il leur dira, que vous a-t-on donné comme réponse? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Ils diront certes que nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Certains prédécesseurs nous disent ce qu'ils ont vu à ce moment-là comme chose terrible et terrifiante, en parlant des prophètes et des messagers. Ils auront ainsi tellement peur et ils seront tellement effrayés pour leur communauté qu'ils perdirent la raison et qu'ils oublièrent. Alayhim salawatullahi wa salam. Yawma yajma'u Allahu ar-rusul wa yaqulu madha ujibtum. Ils diront alors, nous n'avons aucun savoir, et c'est toi vraiment le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Dans les deux recueils authentiques selon Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dit, Allah Ta'ala dira le jour de la résurrection à Adam, ya Adam. Celui-ci répondra alors, labbayka wa sa'dayk, wal khayru bayna yadayk. Et alors il dira, Tabaraka wa Ta'ala, sors de tes enfants ceux qui sont destinés à l'enfer. Et alors il dira, combien de personnes y a Rabb, ô mon Seigneur? Et il dira, pour 1000 personnes, 999. Puis le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, à ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment où seront destinées 999 personnes à l'enfer sur 1000, à ce moment-là, des cheveux blancs pousseront chez le jeune. وَتَدَعَ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. À ce moment-là, toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras des gens ivres alors qu'ils ne le seront pas, mais certes le châtiment d'Allah est dur. Tout prophète sera jugé alors, tout prophète sera interrogé alors, à propos du peuple auquel il aura été envoyé, et à propos du message qu'il aura transmis, et à propos de la responsabilité qu'il avait, comme ceci a été expliqué lors du dernier discours. Et parmi ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a évoqué dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim, comme question à ses prophètes et à ses messagers, l'énorme discussion et l'énorme débat qui s'est établi entre Allah et Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, qu'Allah enregistra dans son livre sacré Al-Qur'an, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « Wa ifqal Allahu ya Isa ibn Maryam » Lorsqu'Allah dit, « Oh Isa, fils de Maryam, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ Est-ce que tu as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Gloire et pureté à toi, il ne m'appartenait pas de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, et tu es en vérité le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Je n'ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. D'ordonner mon Seigneur, Allah mon Seigneur ainsi que le leur. وكنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. Et lorsque j'ai été certes témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui es leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Ceci, ayol ikhwatul kiram, est un blâme et une réprimande et un reproche pour les gens qui auront adoré Al-Masih Isa ibn Maryam en dehors d'Allah Azza wa Jal. Pour les gens qui auront attribué à Allah un enfant. Pour les gens qui auront exprimé des calomnies sur le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ceux qui auront menti sur Allah. Ceux qui auront menti sur son messager. Et qui auront accordé à Allah et qui attribué à Allah un égal ou une compagne ou un enfant. Ta'ala Allahu amma yaquloun. Et Allah est infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Après le questionnement des prophètes et des messagers, ayyuhal ikhwatul kiram, le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala leur fera la faveur de les rapprocher de lui. Il rapprochera ses prophètes et ses messagers. Et il les placera dans sa miséricorde jusqu'à ce qu'ils rentrent au paradis. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « Inni la yakhafu ladayya al-mursal. » Certes, les messagers n'ont point peur auprès de moi. Na'am. Puis le jugement commence, ayyuhal ikhwa. Puis débute alors al-hisab. Et sachez que la personne sera jugée le jour de la résurrection sur deux obligations. Elle sera jugée le jour de la résurrection sur deux obligations. L'obligation qu'elle avait envers Allah Jalla wa Ala et l'obligation qu'elle avait envers les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous concentrerons bi'idhnillah notre discours d'aujourd'hui sur l'obligation que le serviteur avait envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi nous avions dit que la première communauté à être jugée le jour de la résurrection est la communauté d'Al-Habib Ummatul Islam, la communauté musulmane d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam. Ainsi, par qui commencera-t-on, ayol ikhwa? Par qui commencera le jugement al-hisab? Il commencera par les plus pieux. Par les plus pieux al-muttaqoun. Et par les plus vertueux et également par les plus pauvres. C'est par eux que commencera le jugement al-hisab. Le jugement commencera, ayol ikhwa. Et on commencera ainsi par appeler chaque serviteur en disant Aïna Foulan ibn Foulan. Où est un tel fils d'un tel? Aïna Foulan ibn Foulan. On appellera ainsi les gens. Tu entendras alors cet appel, Ya Abdallah. Tu entendras cet appel. Aïna Foulan ibn Foulan. Où est un tel fils d'un tel? Et on te dira alors avance. Afin de te préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Yawma idin tu'radun. La taqfa minkum khafiya. Ce jour-là vous serez exposés. Rien de vous ne sera caché. Si le nom que tu as entendu est le tien. Si le nom que tu as entendu est le tien, Ya Abdallah. Cet appel glacera ton cœur là. Les anges te viendront là. Et les anges viendront à toi, afin de te prendre, et afin de te saisir. Et ils te feront marcher alors, et ils te feront passer devant le rang d'Al-Jinn, puis devant le rang des humains Al-Insan, puis devant le rang d'Al-Malaïka des anges. Tu auras alors compris avec certitude, et tu auras saisi avec conviction, qu'on t'appelle au jugement Al-Hisab, qu'on te demande au jugement Al-Hisab. À ce moment-là, tu auras compris avec certitude, que tu t'apprêtes à te présenter debout devant Allah, que tu t'apprêtes à être placé debout devant ton Seigneur Jalla wa Ala. Tes membres trembleront alors, ton corps frissonnera alors, ton corps tremblera, ton cœur glacera, ta couleur changera, ton cœur sortira presque de ta poitrine, tellement en face de ce qu'il se passe et ce qu'il est en train de se dérouler, tout le monde te regardera alors. Tout le monde posera alors son regard vers toi, sur la terre du rassemblement Ardul Mahshar. Tout le monde te regardera, ils te regarderont d'un regard de douceur et d'un regard de pitié. Car ils ne sauront pas où est-ce que tu seras amené. Car ils ne sauront pas qu'est-ce qu'on fera de toi. Car ils ne sauront pas où est-ce que tu seras amené. Soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Qu'est-ce que sera ta finalité? Maintenant, ya Abdallah, les anges te prennent afin de te placer devant Allah. Ainsi, tu te rends compte alors que tu vas te trouver devant lui. Tu te trouves devant lui, debout devant Allah, Jalla wa Ala, le livre de tes actions dans tes mains. La transpiration coule de ton visage. Et là, tu deviens faible alors. tu deviens faible, tu es devant Allah Jalla wa Ala affaibli, dépourvu de force, dépourvu de réputation, dépourvu d'argent, dépourvu de rang, dépourvu de supériorité, mais affaibli et rabaissé et humilié devant le Seigneur Jalla wa Ala, devant le roi des rois Malikul Mulouk, devant Jabbar al-Samawati wal-Ard, afin que ton Seigneur te parle, afin que le Seigneur des cieux et de la terre s'adresse à toi, dans les deux recueils authentiques. Selon Adi ibn Hatim radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une personne d'entre vous sans qu'elle ne parlera à Allah. Et il y aura entre toi et lui aucun traducteur, aucun interprète. Puis la personne regardera à sa droite et elle verra ce qu'elle aura avancé. Puis elle regardera à sa gauche et elle verra ce qu'elle aura avancé. Puis elle regardera devant elle, elle ne verra que le feu Amma. Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'une moitié de date, ne serait-ce que d'une bonne parole. Il n'y aura pas une personne d'entre vous sans qu'elle parlera à Allah. Allah te parlera, ya Abdallah. Allah s'adressera à toi lorsque tu seras seul devant lui. Et il n'y aura entre toi et lui aucun traducteur, aucun interprète. Allah Jalla wa Ala te parlera avec une langue arabe. La langue arabe que tu ne connaissais pas dans cette vie. La langue arabe que tu n'as pas apprise dans cette vie ad-dunya. Soit par excuse, soit par paresse, soit par fainéantise. Allah Jalla wa Ala te parlera avec. Et tu lui répondras avec la langue arabe. Naam, il te parlera. Tu regarderas alors à ta droite. Et tu verras alors les bonnes actions que tu auras accomplies. Tu regarderas alors à ta gauche. Et tu verras les péchés, les transgressions et les désobéissances que tu auras commis. Tu regarderas devant toi et tu verras le feu Annar. Craignez l'enfer, ayol ikhwa. Ne serait-ce que d'une moitié d'une date pour Allah. Ne serait-ce que d'une bonne parole pour Allah Jalla wa Ala. Lorsque tu te trouveras devant Allah Jalla wa Ala, sais-tu la première question qu'il te posera? Sais-tu qu'est-ce qu'il t'interrogera en premier? Sais-tu sur quoi il t'interrogera, ayol ikhwa? Il t'interrogera sur la prière en salat. Il t'interrogera sur la prière, ya. Il t'interrogera sur la prière que tu auras accomplie. La première question sera à propos de la prière à salat. Et la preuve en est, le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection parmi ses actions est la prière à salat. Si elle a été bien effectuée, il réussira. Si elle a été mal effectuée, il perdra et il échouera. Puis Allah dira à ses anges: ya malaikati, regardez si mon serviteur a des surérogatoires. C'est-à-dire, si les prières obligatoires ne sont pas complètes, il dira à ses anges: ya malaikati, regardez si mon serviteur a des surérogatoires en nawafi. Puis on complétera alors les prières obligatoires avec les prières surérogatoires. Puis le reste des actions suivra. Alors, la première question qu'Allah Jalla wa Ala te posera concernera ta prière, ya Abdallah. Ainsi, tu seras questionné sur cette prière. On te questionnera sur ses conditions. Et on t'interrogera sur la pureté et la purification à Tahara. Et on t'interrogera sur la façon de cacher tes parties intimes pendant la prière. Et on te questionnera sur le sujet et la condition la plus importante de la prière, al-waqt. L'heure à laquelle elle aura été accomplie. L'heure à laquelle tu auras prié Allah. Où est-ce que tu dormais pendant cette prière? Ou bien tu priais pas à son temps? Ou bien tu rassemblais toutes les prières après ton travail? Naam, Allah te questionnera sur le temps de cette prière. Car tu n'avais pas à rassembler toutes tes prières pour prétexte du travail. Car cela n'est pas un prétexte valable auprès d'Allah Jalla wa Ala. Il te questionnera sur cette prière. Et il te demandera: est-ce que tu l'as prié en groupe? Est-ce que tu l'as prié dans les maisons d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce que tu l'as prié derrière l'imam? Ou bien tu les as priés comme les femmes à la maison, derrière la télévision? Il te questionnera sur cette prière, sur ta prière que tu as effectuée. Si elle était bonne, et si elle était bien effectuée, et si elle était acceptée par Allah, toutes les choses seront bien pour toi alors. Mais si elle était mauvaise, et si elle était diminuée en action, et si elle n'était pas complète, Allah Jalla wa Ala s'adressera à ses anges: regardez, ô malaikati, si mon serviteur a des surérogatoires. A-t-il des prières surérogatoires, de nuit ou bien de jour? Et là, nous comprenons et nous réalisons l'importance d'un nawaf, l'importance des prières surérogatoires, ya ibadallah. Il faut, il incombe aux gens qu'ils ne les négligent pas. Car parmi les profits des surérogatoires, qu'elles complètent ce qu'il n'est pas. Elles complètent ce qu'il n'est pas complété. Et elles complètent ce qui n'est pas encore accepté par Allah. Et ainsi, elles rebâtissent ce qui est tombé. As-tu des prières surérogatoires, ayol akh? Puis le reste des actions, c'est-à-dire le reste du jugement, porteront sur les autres actions de la même façon. Ainsi, si la prière est mauvaise, ya Abdallah, si ta prière n'est pas acceptée, si ta prière n'est pas complète, ce sera l'échec et la perdition pour toi. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit: si elle a mal été effectuée, il perdra et il échouera. Ce sera ainsi la perdition, ce sera ainsi l'échec, ce sera ainsi l'anéantissement. Et ceci est pour celui qui priait et qui négligeait la prière. Alors qu'en est-il, ayol ikhwa, de celui qui ne connaissait pas la prière dans ce bas monde ad-dunya? Qu'en est-il de celui qui n'a pas prié pour Allah dans ce bas monde? Qu'en est-il de celui qui ne connaissait ni prosternation ni inclinaison? Celui qui abandonne la prière comprendra alors ce jour-là, réalisera alors ce jour-là avec certitude et avec conviction qu'il est détruit et qu'il est perdu et qu'il sera anéanti et qu'il sera foutu. Car celui qui abandonne la prière le jour de la résurrection essayera de se prosterner devant Allah et tentera la prosternation devant Allah. Il voudra s'incliner devant Allah Jalla wa Ala, mais il ne pourra plus, car il aura été trop tard, car il aura été trop tard. Allah Jalla wa Ala nous dit Yawma yukshafu an saq, yawma yukshafu an saq, wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Le jour où un pied sera découvert, il sera appelé à se prosterner, mais ils en seront incapables, mais ils ne pourront pas. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Les regards abaissés, ils seront couverts d'humiliation. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun wa hum salimun. Or, pendant qu'ils étaient sains et en bonne santé, ils étaient conviés à se prosterner, mais ils refusaient. Celui qui délaissait la prière à Allah dans ce bas monde ad-dunya, ainsi que l'hypocrite al-munafiq, afin de se prosterner à Allah Jalla wa Ala, ne pourra pas se prosterner le jour de la résurrection. Jaza'an wifaqa, une rétribution équitable. Et ainsi le dos de ceux qui délaissaient la prière et des hypocrites sera-t-elle du bois qui ne se plie pas? Sera-t-elle un bout de bois qui ne peut pas se tordre? Ils voudront se prosterner, mais ils ne pourront pas. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Sa'id radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, notre Seigneur fera montrer son pied. Alors tout croyant et croyante se prosterneront. Resteront ceux qui se prosternaient dans cette vie par ostentation et en cherchant de la réputation. Ils essaieront de se prosterner, mais leur dos sera tel une planche. Tel est le hadith de Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux recueils authentiques, comme explication de ce verset de Surat al-Qalam. Naam, notre Seigneur fera montrer son véritable pied, un pied sans interprétation, sans falsification, sans négation, sans chercher à savoir comment, sans exemple, car Allah Jalla wa Ala a un pied qui lui est propre, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est parmi les caractéristiques qu'il nous a informées dans son livre, tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala a un pied qui ne ressemble pas à ceux des créatures. Alors n'essaye pas de chercher comment, et n'essaye pas de chercher son identité ou sa ressemblance, et ne te donne pas d'exemple, et ne nie pas et ne falsifie pas. Naram, et la parole la plus probable est que c'est les pieds d'Allah et que ce ne sont pas les afflictions et les horreurs du jugement, comme ont interprété certains savants. Notre Seigneur montrera son pied. Tout croyant et toute croyante alors se prosternera, et resteront alors ceux qui priaient par ostentation, qui priaient en cherchant une réputation, et resteront ceux qui n'ont pas prié également. Ils essaieront de se prosterner. Ils tenteront de s'incliner, ils tenteront de se prosterner, mais leur dos sera tel une planche. Les dos seront tels la planche et la colonne vertébrale des vaches, et tels les cornes des vaches qui ne pourront pas se plier. Jaza'an wifaqa, as'alullah jalla wa ala, bi asma'il husna wa sifatihi l'ula. أن يخفف علينا الحساب أن يخفف علينا الحساب إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait questionné ses serviteurs musulmans à propos de la prière al-salah, il les questionnera sur le reste de leurs actions, il les interrogera sur le reste de leurs œuvres. Sur quoi les questionnera-t-il? Il les questionnera sur leur vie, et sur leur science, et sur leur argent, et sur leur corps, comme ceci a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abu Barzat al-Islami, radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, le serviteur ne passera pas tant qu'on ne lui a pas posé quatre questions. Tant qu'on ne lui aura pas posé quatre questions, sa vie, comment l'aura-t-il passé? Son corps, comment est-ce qu'il l'aura utilisé? Son argent, comment est-ce qu'il l'a gagné et où est-ce qu'il l'a consommé? Et sa science, qu'a-t-il mis en application? Et dans une autre version, sur sa jeunesse, comment l'a-t-il passé? Et dans une autre version, naam. et on te posera ces 4 ou ces 15, 5 questions selon la version. Ton Seigneur, Jalla wa'ala, te questionnera, ya Abdallah, sur ta vie. Comment l'as-tu passé? Comment as-tu passé ta vie, ya Abdallah? A-t-elle été dans l'obéissance d'Allah? A-t-elle été dans l'adoration d'Allah, ya Azza wa Jal? Ou bien a-t-elle été plongée dans les plaisirs, les jeux et les amusements? Naam, où est-ce que tu as passé ta vie? L'as-tu passé dans l'obéissance de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala? Ou bien l'as-tu passé en dansant et en chantant et en applaudissant? Comme c'est le cas de beaucoup de musulmans, wal'ayyadu billah ma'al asaf. Fanas'alullah jalla wa'ala qu'il améliore notre cas et le leur. Sa vie, comment l'a-t-il passé? Ta science, qu'as-tu mis en application? Ta science, qu'as-tu mis en application? Allah jalla wa'ala te questionnera sur ce que tu as fait de ta science. Est-ce que ta science t'a été utile? Est-ce que cette science t'a rapproché d'Allah et Azza wa Jal? Car Allah, il n'y a aucun bien. À toute science ne rapprocheront pas d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a aucun bien, même si on voit un bien dans cette vie, il n'y a aucun bien dans l'au-delà et l'akhira. Et Allah ensuite te questionnera sur ton argent. Quelle terrible question, Allah. Allah Jalla wa Ala t'interrogera sur ton argent. Car l'être humain sera questionné à propos de son argent sur deux côtés. Le premier côté, comment est-ce qu'il l'aura gagné? Comment est-ce qu'il l'aura récupéré? Est-ce qu'il l'aura récupéré d'une façon halal ou bien d'une façon haram? Et le deuxième côté, ayouan ikhwa, où est-ce qu'il l'aura dépensé? Est-ce qu'il l'aura dépensé dans le halal ou bien dans le haram? Naam, car il faut savoir, ayouan ikhwa tul karam, plus l'argent de la personne est abondant dans cette vie, plus son jugement sera long le jour de la rétribution. Plus l'argent est abondant du serviteur dans cette vie ad-dunya, plus son jugement sera long le jour de la résurrection. Et nous ne disons pas que tu seras questionné million par million, ou bien mille par mille, mais euro par euro, et dirham par dirham, et dinar par dinar, et centime par centime. Allah Jalla wa Ala te questionnera sur ton argent. Et ainsi les gens qui auront le jugement le plus difficile et le plus long sont ceux qui auront le plus d'argent. C'est pourquoi les pauvres entreront au paradis avant les riches, longtemps avant. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, les pauvres parmi al-muhajirin devanceront les riches le jour de la résurrection de 40 automnes. De 40 automnes, c'est-à-dire de 40 années. Et parmi ceux qu'Allah jalla wa ala te questionnera également le jour de la résurrection, les bienfaits avec lesquels tu jouissais dans ce bas monde. Les bienfaits qu'Allah jalla wa ala t'a accordés. Tu seras interrogé sur tous ces bienfaits, ya Abdallah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, l'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Tu seras jugé sur tous tes bienfaits, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et vous serez certes interrogé ce jour-là sur les délices. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection parmi les bienfaits, est qu'on te dira, ne t'a-t-on pas donné un corps sain? Ne t'a-t-on pas abreuvé d'eau fraîche? Faya Abdallah, tu seras questionné même sur l'eau fraîche que tu auras bu. Tu seras questionné et jugé sur tous les bienfaits. Car certaines personnes, Allah, ne se rendent pas compte des bienfaits dans lesquels Allah les a plongés, des bienfaits dans lesquels Allah les a mis et lesquels Allah les a accordés. Elles ne se rendent pas compte de ces bienfaits, car les bienfaits d'Allah se trouvent même dans l'air que nous respirons, se trouvent même dans l'eau que nous buvons, se trouvent même dans la bouchée de nourriture que nous plaçons dans nos bouches. Certaines personnes pensent que les bienfaits sont représentés par les grands châteaux, et par les palais, et par les larges et les beaux jardins. Un homme est venu à Abdullah ibn Amr. Écoutez bien, ya ikhwa. Un homme est venu, il est à Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, afin de lui poser une question. Il lui dit, ya Abdallah, sommes-nous considérés parmi les pauvres, parmi al-muhajirin? Et alors il lui répondit, as-tu une femme chez qui tu te réfugies? Il lui dit, oui. Il lui dit, vis-tu dans une maison? Il lui répondit, oui. Il lui dit, tu fais alors partie des riches. Puis il lui dit, et j'ai certes un esclave travaillant pour moi. Il lui dit, tu fais alors partie des rois. Fa subhanallah al-azim ayyuha al-ikhwa, fi sahih muslim, dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, écoutez bien ce hadith ayyuha al-ikhwa. Allah rencontrera son serviteur et lui dira, ya Fulan, un tel, ne t'avons-nous pas placé parmi les maîtres et les grandes personnes? Ne t'avons-nous pas marié? Ne t'avons-nous pas procuré des chevaux et des chameaux? Ne t'avons-nous pas laissé diriger? Il répondra, na'am ya Rabb, oui mon Seigneur. Puis Allah Jalla wa Ala dira à son serviteur, croyais-tu et étais-tu sûr que tu me rencontrerais? Il dira, non, le Seigneur Jalla wa Ala dira alors à son serviteur, je vais t'oublier comme tu m'as oublié. Puis viendra un deuxième, et il lui dira la même chose que le premier. Puis viendra un troisième, Allah Jalla wa Ala lui dira, ne t'avons-nous pas placé parmi les maîtres et les grandes personnes? Ne t'avons-nous pas marié? Ne t'avons-nous pas procuré des chameaux et des châteaux et des chevaux? Ne t'avons-nous pas laissé diriger? Le serviteur répondra, oui, na'am ya Rab, oui mon Seigneur. Le Seigneur dira alors à son serviteur, croyais-tu et étais sûr que tu me rencontrerais? Le serviteur dira, Seigneur, j'ai cru au livre que tu as envoyé, et j'ai cru au messager que tu as envoyé, et j'ai jeûné, et j'ai donné comme aumône. Allah tabaraka wa ta'ala dira alors à son serviteur, reste ici, reste à cet endroit. Puis il lui dira, aujourd'hui nous t'envoyons un témoin contre toi et venant de toi. Et alors le serviteur réfléchira, et il se dira alors, comment? Qui témoignera contre moi et venant de moi aujourd'hui? Puis on fermera alors sa bouche, et Allah Jalla wa Ala dira à sa jambe, et dira à ses os, et dira à sa chair, parle, et ils parleront de ce qu'ils faisaient. Et le prophète alayhi salatu wa salam, en parlant de cette personne, nous dit, tel est l'hypocrite qu'Allah a détesté. Naam, parmi ceux dont tu seras jugé le jour de la résurrection, ya Abdallah, les obligations que tu avais envers Allah, tabaraka wa ta'ala, les responsabilités et les dépôts qu'Allah t'a confiés, tels que ton oui, tels que ta vue, tels que ton cœur et tels que le reste de tes membres, Allah Jalla wa Ala te les a confiés. Inna sama'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité tu seras interrogé. Tu n'es donc pas libre de faire ce que tu veux avec. Naam, tu n'es pas libre de les utiliser comme tu le veux, mais à toi de les utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Qatada, rahimahullah ta'ala, nous dit, ne dis pas j'ai entendu alors que tu n'as pas entendu. Ne dis pas je sais alors que je ne sais pas. Ne dis pas j'ai vu alors que tu n'as pas vu. Car Allah Jalla wa Ala te questionnera sur tout cela. Et parmi ceux dont tu seras jugé, ya Abdallah également, les engagements et les pactes que tu as pris avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala à propos de toi-même. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Et également les autres engagements que tu as entre toi et les gens. Ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Oh vous les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Wa awfu bil ahd. Innal ahda kana mas'oula. Et remplissez ton engagement, car certes on sera interrogé au sujet des engagements. Tels sont les bienfaits sur lesquels tu seras interrogé. Le jour de la résurrection, les personnes de la communauté musulmane alors seront questionnées une par une. Ils seront jugés serviteur par serviteur. Personne n'échappera au jugement d'Allah. Personne n'échappera à la rencontre d'Allah et Azza wa Jal. Mais avec cela, ayyuhal ikhwatul kiram, le plus généreux des généreux, le plus dépensier des dépensiers, le plus noble des nobles, le Seigneur des cieux et le Seigneur des cieux et de la terre, des premiers et des derniers, Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, pardonnera aux croyants et effacera les péchés des unificateurs, al-Muwahhidin, comme ceci a été rapporté. Dans les deux recueils authentiques, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Allah Ta'ala rapprochera le croyant. Allah Ta'ala rapprochera le croyant et lui cachera ses défauts et lui fera descendre sa miséricorde. Puis le Seigneur dira à son serviteur, ya Abdi, ô mon serviteur, te rappelles-tu de ce péché? Et alors il le fera avouer ses péchés. Il le fera avouer ses péchés. Et ceci est la rencontre entre Allah et le serviteur. Te rappelles-tu de ce péché? Et alors le serviteur dira, Naram, mon Seigneur, j'avoue. Et il ne niera pas, jusqu'à ce qu'il lui fera avouer tous ses péchés. Et jusqu'à ce que le serviteur pense qu'il est alors foutu et perdu. Et Allah tabaraka wa ta'ala viendra alors et lui dira, je te les ai certes dissimulés dans cette vie, et je te les efface aujourd'hui. Je te les ai certes dissimulés et cachés dans cette vie, ad-dunya, et je te les efface aujourd'hui. Et on lui donnera alors le livre de ses bonnes actions. Quant aux mécréants, et c'est encore la parole de Habib, alayhi salatu wa salam, quant aux mécréants et aux hypocrites, les témoins seront ce jour-là les prophètes et les anges, qui diront cela en mentis sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Naam, car le croyant al-mu'min ayyuha al-ikhwa n'est pas un ange. Le croyant a des péchés et a des désobéissances, mais le plus important, et ce qui l'incombe ayyuha al-ikhwa, est que la personne implore le pardon, est que la personne revienne vers son Seigneur, est que la personne se repentisse à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'elle remplisse sa vie entière d'adoration à Allah, car Allah fera avouer à son serviteur croyant ses péchés, et le croyant avouera alors, et Allah le fera rapprocher de lui, il les a dissimulés dans cette vie, et il lui effacera cela le jour de la résurrection, et ainsi, il ne lui fera pas honte devant l'humanité entière, yawm al-qiyam. Et ceci est une des faveurs d'Allah Jalla wa Ala, qu'Allah fasse que l'on soit parmi ceux qui ont cru et qui ont été parmi les unificateurs. Tels sont certains moments du jour de la résurrection, ayyuha al-ikhwatul kiram. concernant ce qui se passe entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, et concernant les obligations que l'on a envers Allah jalla wa ala, il nous reste ainsi les propos et les paroles concernant les obligations que la personne aura et a envers les serviteurs d'Allah dans ce bas mandat de dunya, que nous laisserons et que nous projetterons ibidnillah lors du prochain discours, lors de la prochaine semaine, si Allah jalla wa ala nous prête vie et nous prête rencontre. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Fa ya ibadallah, serviteurs d'Allah, jugez-vous avant d'être jugés, pesez-vous avant d'être pesés, et préparez-vous à la plus grande rencontre entre vous et le Seigneur jalla wa ala, entre vous et le contraignant des cieux et de la terre, le juge des juges tabaraka wa ta'ala, car le jugement sera plus facile à ceux qui se seront jugés dans cette vie. Tel est ce que nous a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le jugement sera plus facile et plus simple et plus allégé à ceux qui se seront jugés dans cette vie ad-dunya. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, as'alu Allah jalla wa ala, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, an yukhaffif alayna al-hisab, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, wa an yunajjina min ahwali yawm al-qiyamah, innahu waliyu dhalika wa mawlah. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأله أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا. وأسأله جل وعلا أن يسلم ويبارك على الحبيب المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى النبي المنتقى وعلى آله وأصحابه وأهله وأتباعه إلى يوم الدين. Je tiens à évoquer par la même occasion, ayyuha al-ikhwatul karam, que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwa, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi.